Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Culture. Nous sommes le mercredi 18 novembre 2015. Le Bataclan salle visée, le Bataclan salle touchée, depuis lundi, en rend hommage à cette salle et aux victimes qui ont perdu leur vie ce funeste vendredi 13 novembre. Aujourd'hui, on va revivre un moment très poignant, Jeff Buckley en 1995. Et en deuxième partie de l'émission, le vendredi 13 à Paris, mais vu de loin, vu de près surtout, après New York lundi, après le Proche-Orient hier, aujourd'hui c'est l'Europe, Rome, Londres, Madrid, avec notamment l'universitaire Philippe Marlière, prof de sciences politiques à Londres, et la traductrice Maria Teresa Gallego, en direct au téléphone de Madrid. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live with Leonard before I knew you. And he's seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, says it's a cold and it's a broken hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? Well, remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath you drew was hallelujah. Thank you. Or maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. It's not his touch in the room you both shared that is gone when he left. When your time in your memory fills your dreams, when you're honest and together. Used to know a little square so long ago when I was small. All summer long it had a fair, wonderful fair with swings and all. I used to love my little fair, and at the close of every day I could be found dancing around a merry-go-round that used to play. summer long, my little fair, made every day like a holiday. Night after night it used to play, but people came there from so far away. And everyone sang that little tune. All around the town you heard it played, even Pepe from Napoli. He sang to Mary this serenade. If the sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen, darling. I won't care. Shall I come? Catch a shooting star, shall I bring it where you are? If you want me to, I will. Hope I get this right. Ah, you can set me any task, I'll do anything you ask. If you only love me still, when at and life on earth is through, I will spend eternity with you. If you love me, really love me, let it happen, darling. Vendredi 13 à Paris, de loin, de près. Et aujourd'hui, dans un instant, au téléphone, Philippe Marrière, qui est prof de sciences politiques et qui vit à Londres depuis plus de 20 ans. Et de Madrid, nous aurons la traductrice et professeure de littérature française, Maria Teresa Gallego. Et avec nous, Philippe Marrière, universitaire, professeur de Sciences Po au Collège de Londres, Londres où vous vivez depuis 21 ans. Bonjour Philippe Marrière. Bonjour. Mais ce vendredi 13 novembre, vous étiez à Rome. Et comment vous avez vécu, appris ces nouvelles ? Écoutez, comme des millions de personnes, j'ai appris cette nouvelle. Dans la sidération, je me trouve à Rome, je participais à une conférence universitaire qui s'est déroulée dans une atmosphère et dans des conditions extrêmement positives et bonnes, hein, dans cette très belle ville de Rome. Je suis rentré à l'hôtel et c'est là, en prenant un café avec mes collègues avant d'aller me coucher, que la télé fonctionnait, était en route et on a commencé à voir les nouvelles qui parvenaient, donc via d'abord la télé italienne, ensuite nous sommes passés à la BBC, puis là, il y a aussi une chaîne française. Voilà pour le côté technique, comment j'ai appris la nouvelle, donc aux alentours à partir de 22, 23 heures, assez vite. Ce qui m'a frappé aussi, c'est effectivement Le fait que ça touchait Paris en son cœur, qu'il y avait évidemment différents foyers d'intervention. Et puis, est-ce que cela vous a replongé dans la terreur que vous avez sans doute connue lors des attentats à Londres, Philippe Marlière ? Oui, effectivement, j'ai repensé à ça et j'ai repensé aujourd'hui, je pense en particulier à ce que doivent ressentir les Parisiens qui ont été touchés de près ou de loin par ces attentats, parce que ce sont les jours qui suivent qui sont en réalité les plus durs, parce que il y a une espèce d'effervescence assez bizarre sur le moment, le jour du lendemain, et puis après, la vie reprend son cours. Et c'est là où on voit que des choses ont changé. Il y a pendant quelques jours une présence policière qui n'est pas normale, à chaque coin de rue, à l'entrée des métros, etc. Et puis, finalement, il faut reprendre, dans le cas de Londres, c'était la difficulté de reprendre le premier métro, le premier bus, qui était désert au départ. Il fallait tromper sa peur, il fallait y aller, il fallait aller au boulot. C'était pas facile. Et puis, le pire, effectivement, c'est de ne pas commencer à soupçonner n'importe qui et tout le temps. Je crois qu'il y avait finalement un moment de psychose. Et je crois que les Britanniques, comme les Parisiens en tout cas, les premiers signes sont bons, ont bien réagi. D'une part, en ne cédant pas à la peur plus qu'il ne fallait. Et deuxièmement, en ne cédant pas à cette peur qui mène à désigner immédiatement des suspects et des coupables qui n'en sont pas. Et ça, je crois que c'est très important de garder son calme, de rester solidaire et uni, et de ne pas ajouter à l'horreur dans des actes qui créeraient d'autres injustices. Et de par votre fonction d'universitaire, prof de Sciences Po, Philippe Marlière, et du fait que vous soyez à Londres maintenant, comment vous analysez la situation après cet autre attentat qui a frappé Paris vendredi dernier ? Mais là, effectivement, c'est une question au plus long cours et d'analyse. Et l'analyse que je fais, c'est une analyse d'abord, je suis extrêmement ému, choqué, attristé, en colère de ces vies qui sont parties, qui ont été de regarder dans les médias les hommages qui sont rendus à ces morts, qui sont essentiellement des jeunes personnes, tout à fait qui de sortie ce vendredi soir à la terrasse d'un café, dans un restaurant ou au concert, étaient évidemment les personnes qui s'adonnaient à des activités les plus pacifiques, les plus aimantes, les plus amicales possibles. Donc ça, c'est une réaction extrêmement de dépit, de colère et de tristesse. Mais aussi de voir que, bien après, il y a le côté, l'analyse politique, je suis politologue, et de voir que finalement, tenter de faire du sens dans cette situation très compliquée, c'est de voir que finalement, il y a évidemment l'entreprise criminelle de Daesh, ça ne fait aucun doute, et il y a aussi les erreurs politiques très importantes, à répétition, l'hypocrisie de nos gouvernements. Et en fin de compte, qui par des alliances avec des États qui ne sont pas démocratiques, voire qui soutiennent Daesh, tels l'Arabie Saoudite ou le Qatar, finalement, aussi ont leur part de responsabilité. Quand je dis les gouvernements, ce sont tous les gouvernements, de droite et de gauche, en France, aux États-Unis, en Europe, depuis des décennies. Et finalement, toutes ces erreurs, toute cette hypocrisie de nos gouvernants, créent nos morts à nous, nous qui n'y sommes pour rien, les civils. Hein. Et je crois que voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est de considérer qu'effectivement, il faut que, pour sortir de cette situation et de cette situation de deuil et de tristesse et aussi de colère, il faut aussi bien comprendre cette situation qui est complexe et qui ne se résoudra pas par d'énièmes bombardements aériens de Daesh qui ne règlent rien. Je crois qu'il y a aussi une situation politique à comprendre et il faut que nous arrêtions aussi de notre côté de commettre des injustices là où nous envoyons des aventures militaires qui souvent ne résolvent rien et qui créent davantage de problèmes. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak. Donc je crois qu'aussi que nous devons, pas nous citoyens, mais nos gouvernants, doivent balayer devant leurs portes. Le feront-ils? Je l'espère. J'espère que maintenant, la situation est très grave. Il faut qu'ils balayent devant leurs portes. Aussi, tous ces jeunes Français qui sont laissés dans une telle situation qu'ils se tournent et ils écoutent les voix démagogiques et criminelles de personnes qui se réclament d'une religion, l'islam, pour s'adonner ensuite à ces activités criminelles. C'est un problème politique, social, qu'il faut régler comme tel et non pas à partir sous la forme de remontrances, de rappel à l'ordre, comme semblent le faire certains hommes politiques actuellement, ce qui est encore une fois une impasse. Donc voilà où j'en suis sur l'analyse. Ce sont finalement à la criminalité folle de Daesh, on a un comportement de nos gouvernements européens occidentaux qui n'est pas à la hauteur, et ce sont nous qui trinquons, parce que ces morts, ces jeunes qui sont partis ne sont en rien responsables de la situation. Est-ce que les analystes anglais, dans la presse britannique, plus précisément Philippe Marlière, disent des choses, ont des points de vue qui sont différents des nôtres, par exemple, puisque je sais que vous êtes très attentif à ce qui s'écrit en France, même si vous vivez à Londres depuis plus de 20 ans. Oui, je crois que ce qu'on lit dans la presse britannique, c'est que finalement, on a un président, François Hollande, qui, depuis 3 ans, embarquer la France dans des conflits militaires, sans d'ailleurs en faire une grande publicité, sans grand débat parlementaire, comme ce devrait être le cas dans toute démocratie, sans accord du Parlement ni soutien. Ce sont les prérogatives de cette constitution de la Ve République où un président a des pouvoirs exorbitants. Donc voilà où nous en sommes. Et qui ne suit pas forcément une route qui est bonne, hein, encore une fois, j'en ai parlé il y a un instant, ces alliances contre nature hypocrites avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, on sait pourquoi, hein, il y a des marchés importants, notamment sur le plan de l'armement, mais faut-il pour justement avoir un solde commercial positif et faire des affaires en passer par ce type de compromis qui, sur le plan éthique, est catastrophique et sur le plan géopolitique, amène ce que l'on voit maintenant. Je crois que voilà ce que disent les Britanniques. En gros, il y a quand même des incohérences. Et on a, surtout, il y a l'intervention de Manuel Valls a beaucoup choqué à droite et à gauche, dans les médias de gauche et de droite, un discours qui a surpris parce que les Britanniques sont passés par cette période où, avec Tony Blair, ils ont soutenu l'offensive de George W. Bush en Irak notamment, et on sait ce qui s'est passé. Donc ils sont, de ce point de vue-là, beaucoup plus prudents maintenant. Et donc ils ont épinglé ce discours très martial de Valls avant-hier. Nous sommes en guerre et finalement, rappelant que ce type de discours ne règle absolument rien, ne fait qu'aviver les tensions de part et d'autre. Et je crois qu'il y a avant tout des solutions politiques sur le terrain, notamment pour régler le problème de la guerre en Syrie, pour éviter, c'est un autre sujet, mais qui peut être adjacent, l'exode massif des réfugiés, qui évidemment finissent par poser des problèmes en Europe. Je crois que la classe politique européenne n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Merci Philippe Marlière. Je rappelle que vous êtes universitaire, politologue et que vous vivez à Londres. Merci d'avoir témoigné ce matin sur l'antenne de France Culture. Merci. Su madre le cantó. Este es el círculo. Et de Madrid, nous avons avec nous María Teresa Gallego Rudia, qui est traductrice du français à l'espagnol. Bonjour María Teresa. Bonjour. Vous avez traduit aussi bien les grands classiques français que les contemporains. Oui. Comment avez-vous vécu de Madrid, ville elle-même touchée par le terrorisme, comment vous avez vécu ce vendredi 13 novembre parisien? D'abord, j'ai 2 points de repère auxquels je pense quand des choses comme ça arrivent. L'un de mes points de repère, c'est Amin Malouf, que je traduis, et qui a écrit en 2009 un livre qui s'appelle qui analyse depuis Nasser les rapports entre le monde arabe et l'Occident, et qui explique, qui a expliqué aussi les rapports entre le monde arabe depuis les croisades jusqu'à nos jours, à travers de son livre extraordinaire, Les croisades vues par les Arabes. Le dérèglement du monde. Voilà. J'ai toujours pensé que la France avait été la continué l'héritage de la Grèce classique. J'ai toujours senti que la Grèce classique avait commencé, avait inventé, disons, d'une certaine manière, la démocratie, et que le flambeau avait été repris plus tard par la France. Donc, c'est quoi cette image que j'ai toujours eue de la France, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Et quand ces événements arrivent, quand ces sentiments vous habitent, je suppose, Maria Teresa Gallego-Urrutia, que vous pensez à des auteurs que vous avez lus ou traduits d'ailleurs. Oui, je pense évidemment à Malouf, et je pense dernièrement, je pense beaucoup à l'écrivain marocain Benhebine, qui. Marie Benhebine, oui. Lui qui a créé, justement, après avoir écrit son livre sur les étoiles de Sidi Moumen, qui a créé une espèce de centre culturel, justement, à Sidi Moumen, pour éduquer, former les enfants en dehors de ces paramètres de haine et de superstition. Donc, en ce moment, je pense beaucoup à la fondation, au travail que fait en ce moment Benhebine à Casablanca. Merci beaucoup d'être intervenu, merci beaucoup d'avoir témoigné. Marie-Thérèse Gallego-Urrutia, je rappelle que vous êtes traductrice. C'était Un autre jour est possible, préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre avec aujourd'hui Jean-Frédéric. On se retrouve demain à la même heure, en première partie, toujours en hommage à la salle Le Bataclan. On revivra quelques moments d'un concert mythique, c'était en 72, Lou Reed, John Cale et Nico. Et en deuxième partie, le vendredi 13 noir parisien, vu de loin, de près, avec cette fois-ci les points de vue africains. Bonne matinée, dans un instant, l'actualité sur France Culture.